Bon, maintenant on choisit. Sophie, Olivier ou Léa? Léa, elle est sympathique, gentille, amusante. Oui, mais moi je préfère Olivier. Il est sérieux, intelligent. Ah, mais Léa n'est pas stupide. Je ne dis pas qu'elle est stupide, je dis qu'Olivier a beaucoup de qualités. Et Sophie, moi je la trouve très intéressante. Oh non, elle est ennuyeuse et antipathique. Mais non. Et puis elle conduit. Si Max est malade, c'est utile. C'est vrai. Mais pour promener Max dans la rue le soir, tu ne préfères pas un jeune homme? Si, tu as raison. Alors, on prend Olivier? Tu es d'accord, Max? Mais il aime les chiens, Olivier?